Ok, test. Quand nous parlons maintenant de, par exemple, voilà, nous sommes toujours dans la généralité, toujours dans la généralité. Quand nous allons parler maintenant des produits, quels sont en fait les produits en fait à recommander à son audience ou bien quels sont les produits à recommander aux gens? Il faut savoir que déjà choisir en fait les bons articles à mettre en avant sur votre site va être relativement simple. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que genre, vous allez recommander. Bon, moi je vous recommande de vous focaliser en fait à la fois sur les produits les plus vendus, mais en fait aussi sur les produits qui sont appréciés par les consommateurs. Parce qu'un produit, selon moi, en fait, doit remplir deux conditions. Il faut en fait que le produit facilite la vie aux gens et qu'il leur fasse gagner du temps. Lorsque vous avez un produit en fait, genre, qui vous fait cette, genre, qui remplit ces deux conditions, je ne trouve pas de raison de ne pas commander si le produit quand même il est plus comment on appelle? C'est mieux de l'acheter en ligne parce que vous savez, ça ne sert à rien en fait de commander un produit en ligne, sachant très bien qu'on peut en fait l'avoir un coin de rue de chez soi ou bien genre quand on sort de chez soi, quand on va en boutique, on peut l'avoir rapidement. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Et donc, il faut aussi vous focaliser sur les produits qui sont appréciés par les consommateurs. Donc, produits à la fois vendus et bien vendus et appréciés par les consommateurs. Maintenant, les deux autres en fait que je viens d'ajouter en fait c'est des indices parce que peut-être si vous ne trouvez pas en fait un produit qui remplit parce que il y a des produits qui ne remplissent pas tout le temps genre, ces deux conditions les plus vendus ou bien vous ne saurez pas ce qui est vraiment apprécié par les consommateurs à moins que vous ayez une très grosse expérience et donc à partir de là il faut maintenant commencer en fait à réfléchir et donc si vous vous basez en fait sur ces deux critères est-ce que le produit il leur facilite la vie est-ce que le produit il les aide en fait à gagner en temps. À partir de là, on peut déjà faire un choix de son produit en fait à recommander aux gens. Nous allons revenir encore plus de détails, dans plus de détails par rapport au produit, comme nous allons venir à ce niveau. Donc pour cela en fait, vous allez vous baser tout simplement sur les avis laissés en fait par les clients pour savoir est-ce que le produit d'abord il est bien apprécié par eux. C'est vraiment le critère par excellence qui peut genre, sur lequel vous pouvez vous baser pour dire ah oui, il y a les clients qui apprécient bien ce produit, etc., etc., etc. Et donc, plus le nombre en fait d'avis est important, plus la note est élevée, mieux c'est. Maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner vos articles manuellement. Quand je dis manuellement, c'est que vous ne vous basez pas sur un avis client et tout. Et comme je vous l'ai dit, genre, lorsque vous-même vous jugez en fait que le produit remplit en fait deux conditions, est-ce qu'il facilite la vie? Est-ce que ça lui permet d'économiser un temps et tout et tout et tout? Lorsque ça répond à ces deux critères-là, c'est ça moi j'appelle choisir en fait son produit manuellement. Parce que l'autre, vous vous basez en fait sur des trucs qui sont déjà automatisés, genre qui sont déjà prêts. Ici c'est manuel. Et en fait c'est une très bonne chose aussi de sélectionner en fait ces produits manuellement. Et puis personnellement, la sélection de produits de façon manuelle m'a plus marché ou même marche plus que choisir des produits genre basés sur des avis clients et tout et tout et tout. Donc sélectionner ces articles de ces produits de façon manuelle est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir en fait s'assurer de la qualité de la popularité en fait des produits qu'on met en avant. Vous-même vous pouvez juger si vous dites ok je pense que ce produit va marcher, vous pouvez faire des recherches et puis savoir vraiment genre ce qui a été apprécié, genre est-ce que vraiment ça marche. Vous pouvez, en fait là, à ce niveau on se rend compte que lorsque nous-mêmes on fait des recherches, ce n'est pas que il y a les avis qui sont là et puis voilà, on en a vu et puis on ne connaît pas réellement la portée du produit. Ici, on fait des recherches pour savoir. Lorsque vous faites des recherches sur un produit que vous avez, genre, sur lequel vous pensez que oui, ça peut marcher, vous, genre, vous poussez un peu plus les analyses. Vous avez vraiment des chiffres plus concrets et puis vous avez déjà une image en fait que le produit va renvoyer. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, en fait, on va pouvoir en fait s'assurer de la qualité et de la popularité des produits en fait qu'on met en avant. Maintenant, le bémol, c'est que quand on choisit hein, ces articles manuellement, c'est qu'ils seront un jour ou l'autre en rupture de stock. Parce que lorsque on s'est basé sur les produits, par exemple, de façon automatique, les produits que les clients apprécient plus et tout et tout et tout, Amazon sait que, ah oui, ces produits-là, c'est apprécié. Donc, pas de rupture de stock. Mais lorsque vous-même vous basez sur des produits, bon, vous-même vous sélectionnez votre produit, pardon, et vous vous dites, bon, oui, ça va marcher, vous ne savez pas en fait quels sont quels sont les plans de Amazon par exemple pour ce produit. Vous ne savez pas ce que Amazon a prévu en fait pour ce produit. Vous voyez? Et puis à ce moment, à ce niveau, ça devient un peu compliqué. Peut-être que en stock, eux, ils n'ont que 5. Et vous, quand vous allez diffuser en fait votre publicité et tout, peut-être vous aurez, disons, juste 7 commandes. Il y a 2 commandes qui ne seront pas satisfaites. Et donc, si ces commandes-là ne sont pas satisfaites, les clients ne reviendront tout simplement plus vers vous. Et puis vous allez perdre en e-réputation. Donc, il y a déjà ce risque-là. Là, le risque de rupture de stock, vous m'excusez, le risque de rupture de stock qui est vraiment genre le premier point auquel on peut se heurter lorsqu'on choisit en fait ces produits de façon manuelle. Et donc, il faut faire très attention aussi à ne pas choisir des produits en rupture de stock. De toute façon, lorsque vous allez vouloir choisir un produit, vous avez la possibilité de voir en fait le statut du produit. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, un jour ou l'autre, on sera en rupture de stock. Et donc, voilà. Pour diverses raisons, voilà, ça peut être en rupture de stock. Maintenant, ça peut être vraiment une raison d'une demande plus forte ou bien, la demande est plus forte que l'offre ou bien, c'est une fin de série en fait du produit. Ouais, un peu de quoi je parle. Donc, il faudra en fait s'assurer que manuellement, que vos références soient toujours disponibles. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vos produits doivent être disponibles. Par, on n'a pas voir en rupture de stock. Ou bien il reste 5 articles. Quand il y a 5 articles qui restent, il y a la façon dont il y a la façon dont en fait on le dit en description ou bien en rédaction de fiche produit que nous allons voir par la suite. Puis je le rappelle, nous sommes toujours en généralité. Généralité qui est vraiment riche parce qu'il y a des éléments en fait sur lesquels je ne reviendrai certainement plus. Donc il faudra s'assurer en fait manuellement que les références soient toujours disponibles, que les produits soient disponibles par rupture de stock ou bien qu'ils restent 2 ou 3 en stock et tout. C'est pas bien. Sinon, que les taux de conversion aussi en fait seront impactés. Comme je l'ai dit, lorsque les gens vont vouloir venir, vont vouloir commander, ils vont se rendre compte que c'est en rupture de stock. Vos taux de conversion, je vais appeler quoi taux de conversion. Un taux de conversion en fait, c'est, disons, c'est le pourcentage de personnes que vous ne connaissez pas qui a vu votre annonce mais qui a finalement cliqué sur votre produit. Lorsque vous convertissez quelqu'un qu'on appelle prospect, un prospect, oui, c'est quelqu'un que vous avez touché avec votre publicité. Lorsque vous arrivez en fait à le convertir en client, c'est qu'il a fait une vente. Et donc votre taux de clic en fait à ce niveau sera assez impacté. Donc voilà un peu un inconvénient de ce truc là. Mais il faut savoir que certaines niches en fait voient de nouveaux articles le jour régulièrement et d'autres sont relativement stables. Donc pour cette dernière en fait vous n'aurez pas besoin de faire grand chose. Peut-être une simple vérification, une fois de l'année pour voir en fait si tous les produits en fait affiliés sont toujours accessibles. Et donc pour les niches qui sont les plus mouvantes, il faudra sûrement des checks réguliers, disons 2 à 3 fois par mois et tout. Donc voilà. Maintenant, pour promouvoir en fait les articles en fait sur votre site, maintenant que vous savez quel produit vous pouvez mettre en avant, je vais vous présenter différentes solutions qui vont permettre en fait de valoriser en fait vos articles. Donc de donner envie à vos lecteurs, à vos prospects d'en savoir plus et d'améliorer en fait les taux de conversion. Et donc avant ça, il est quand même primordial que en fait vous avez vos idées. Les idées qu'on va créer, disons, à la fin du processus, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut que vous terminez tout avant de lancer en fait l'ouverture. Parce que là, l'ouverture, elle n'est pas encore faite pour certains de vous. On dit là, faire l'ouverture, mais ce n'est pas vraiment un problème. Peu importe, c'est pas vraiment un problème si c'est ouvert déjà ou pas. Mais il est primordial qu'on ait les idées. Parce que on va commencer en fait à générer les produits. Même pour le moment, il faut patienter. C'est step by step en fait. Donc voilà. Donc, après la création de l'idée, c'est-à-dire après l'ouverture de l'interface Amazon, en effet, c'est que sans en fait ces idées de suivi, vous ne saurez même pas en fait d'où proviennent vos quais. Vous voyez, vous créez en fait une nouvelle idée et tout. Donc voilà. Maintenant. La méthode classique en fait pour pouvoir mettre en avant en fait ses produits sur son site ou bien sur sa page, tout ce que vous voulez, son blog et tout, il s'agit en fait d'utiliser en fait les outils de marketing que Amazon propose. Donc, en fait, une fois en fait que vous êtes connecté en fait à votre interface partenaire, il vous suffit tout simplement de vous rendre en fait sur amazon.fr et vous allez voir une barre d'outils partenaire apparaître. Une barre d'outils Amazon partenaire apparaître. Vous avez le choix entre 1. Créer un lien test, 2. Créer un lien image, 3. Créer un lien test image. Vous avez ces trois possibilités là. Ensuite, moi je vous recommande quand même d'utiliser la première et la troisième option. La seconde n'est pas vraiment optimale quand même. Donc là, pour par rapport à la création de lien test, il faut savoir que pour générer un lien affilié, il vous suffit tout juste de cliquer en fait sur le lien test que vous aurez en fait dans dans la fenêtre qui va apparaître. Et donc quand vous allez sélectionner le bon site en fait dans la case idée de suivi, vous allez cliquer sur obtenir en fait un lien. Maintenant, pour générer en fait votre lien affilié, c'est tout simplement ça il faut faire. Maintenant, après ça, maintenant, vous pourrez placer en fait votre lien dans le contenu de votre site et tout, genre sur un test, une image ou un bouton d'appel à l'action. Tout simplement. Maintenant, la création d'un lien en fait test image. Ça, c'est pour générer en fait un écart, genre test image. Il vous suffit tout, bon, un lien, pardon, test image. Il vous suffit tout simplement de cliquer en fait sur le lien adéquat qui est dans la barre de recherche, dans la barre partenaire en fait. Donc, vous allez voir comme un truc en surbrillance jaune là. En fait, c'est mieux parce que cette solution en fait elle est amusante et simple. Parce que en fait, elle a affiché une image, le titre du produit, le prix de manière dynamique, ainsi en fait qu'un bouton à l'appel. Bref, tout ça là. Et jusque là, ça paraît être une option de choix. Cependant, en fait, il s'agit en fait d'un code franc qui va ralentir le temps de chargement en fait des pages web. Genre, c'est pourquoi je disais que j'en sais plus optimal que la deuxième façon en fait de faire. Au niveau de la description de la fiche produit, nous aurons disons en avant-dernier point la génération de liens. Donc vous pourrez voir en fait dans la vidéo genre comment on obtient le lien et tout. Là c'est dit de manière globale, mais après vous aurez comment on appelle le procédé en lui-même, genre la façon dont on génère, la façon dont on réduit le lien pour avoir en fait un lien plus court, parce que généralement les liens sont hyper longs et puis les mettre en fait sur des sites comme ça, c'est pas vraiment très bon ni professionnel. Donc on aura utilisé en fait des réducteurs, des personnalisateurs de liens pour pouvoir quand même avoir des liens un peu plus professionnels. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces points, toujours dans la généralité. Je pense que nous avons abordé quand même déjà les taux de commission par produit. Ils sont variables et voilà. La chose en fait que moi je peux ajouter en fait, c'est que il faut quand même devenir une référence en fait ultime dans votre niche, parce que c'est ça en fait, c'est le long terme qui va vous faire chiffrer de manière constante. Parce que lorsque vous rentrez en fait dans une niche, lorsque vous choisissez une niche, personne ne vous l'a imposé, c'est un travail préalable en fait que vous avez fait par rapport à cette niche. Et lorsque vous entrez dans une niche, vous devez devenir en fait le plus max, genre au max, un professionnel en fait de ce domaine. Parce que si vous ne voulez pas en fait dans votre niche, si vous n'êtes pas capable de dire après 2 ans, ouais, il y a tel produit qui marche, voici comment les gens répondent quand réagissent lorsqu'il y a un nouveau produit, ça ne marche pas, genre ça ne sert à rien si vous n'êtes pas en fait dévoué, si vous n'avez pas un minimum de connaissances par rapport à fait en fait à votre niche. Si vous choisissez par exemple d'être dans la niche disons une niche de gaming, après, disons 18 mois, vous devez être capable, même si on vous réveille en fait de sommeil, de dire ah oui, ce produit-là, ça va marcher. Ce produit-là, à n'importe quel moment, ça marche. Ceci, à telle période de l'année, ça peut marcher. Ah, quand tu vas recommander ce produit-là, ça ne marchera pas. Genre, vous devez en fait être capable de répondre en fait à certaines questions. Et donc, ce que moi j'appelle l'ère des MFA, c'est quoi MFA? Made for AdSense, genre c'est fait en fait pour la publicité. Elle est presque révolue en fait. Ouais, donc en fait il convient tout simplement de suivre un nouveau courant plus qualitatif en fait pour durer dans le temps. Je sais pas trop si vous me percevez, parce que pour les néophytes, genre les MFA en fait, ils désignent essentiellement en fait genre des sites des sites de piètre qualité en fait, ayant pour un seul objectif générer du cash. Alors que vous n'êtes pas en fait dans cette logique. C'est une entreprise, et puis une entreprise n'est pas tout le temps en train de vendre des produits. Une entreprise, à côté de la vente des produits, elle fait découvrir des produits aux gens, elle leur fait connaître les nouveautés, elle met tout ce qui est stratégie de marketing en fait en place pour garder ses prospects, pour quand même créer un lien en fait entre l'entreprise, pardon, entre ses clients et elle. Ouais, donc on n'est pas tout le temps dans l'idée en fait de vendre, vous voyez. C'est vraiment l'erreur en fait que beaucoup d'e-commerçants font. Ils pensent que lorsqu'ils créent en fait leur site ou leur boutique, il faut tout le temps être en train de vendre. Or, c'est pas ça. Il faut par moment venir mettre des jeux dedans, venir mettre uniquement des articles, les gens kiffer et tout. Ça naturalise en fait un peu plus les relations, vous voyez. Et voilà, parce que après la personne il va se dire au moins, ah, même si je ne veux pas acheter, j'irai voir en fait ce qu'il a posté. Et à ce niveau, à ce moment, vous commencez en fait tout le temps à avoir des interactions régulières. Parce que si vous ne faites que vendre, si la personne il n'a pas envie d'acheter ou bien s'il n'a pas l'argent, il ne viendra pas. Et donc vous allez perdre en prospects et puis sur le long terme, ils vont vous oublier. Donc c'est quelques détails en fait sur lesquels vous devez vraiment faire attention. Donc, les sites quand même de niche en fait qui veulent se voir durable doivent remplir plusieurs missions indissociables selon moi. Des missions indissociables que moi je regroupe généralement 4 points. Le premier point en fait c'est que vous devez informer et aider en fait les internautes dans leur recherche. Parce que si vous n'aidez pas les gens, parce que comme je vous l'ai dit en fait, quand vous créez votre site, vous voulez vendre un produit. L'objectif derrière ce n'est pas uniquement la vente. Il faut naturaliser. Et puis naturaliser, il faut quand même aider les gens en fait. Vous devez les aider à s'informer. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de recherches parce que vous devez savoir en fait genre, ce qu'ils recherchent et apporter en fait des éléments de réponse à ces préoccupations-là. Et vous devez aussi les aider, donc les informer et les aider. C'est selon moi le premier en fait le premier point en fait sur lequel il faut travailler avant de commencer à rentabiliser. Si vous commencez et que vous commencez à mettre directement en fait dans le lien des produits et tout, ça ne marchera pas. Vous n'allez jamais vendre, vous ne serez jamais rentable en e-commerce. C'est une erreur de créer son site, sa page, son compte Instagram, son blog, tout ce que vous voulez, et de commencer à mettre les liens de vente. Vous allez faire fuir les gens. Nous allons plus le développer quand nous allons venir toujours au niveau du produit. Ensuite, le deuxième point que je juge assez aussi important, indissociable quand même pour ceux qui veulent se voir réussir sur le long terme, c'est qu'il faut partager quand même des informations fiables. Parce que si vous dites des trucs faux sur votre site, c'est pas bon, c'est pas bon pour votre réputation. Il faut que vous donniez des informations fiables, il faut que vous soyez une source fiable. Parce que le travail psychologique qui sera derrière partager en fait des informations fiables, c'est que les clients vont se dire, ah oui, il partage des informations fiables, ça voudra donc dire que le jour où je vais vouloir acheter chez lui, il sera fiable. C'est comme ça, c'est naturel, c'est psychologique. Pour ceux qui ont lu par exemple Plus malin que le diable, vous allez vous rendre compte que lorsqu'en fait vous partagez, lorsque tout le temps vous parlez de genre de choses vraies, le jour même vous serez dans le faux, les gens vont vous suivre. Plus malin que le diable, un livre quand même que je vous recommande quand même, genre, d'aller lire, ça va beaucoup vous aider. Troisième point, je pense que il faut quand même offrir une certaine expérience optimale en fait à l'utilisateur. Il faut quand même quand je parle d'expérience optimale, nous allons plus se développer toujours au niveau du produit. Je rappelle, nous sommes toujours dans la généralité. Et le dernier point, c'est que vous devez gagner de l'argent en recommandant les meilleures solutions. Je n'ai pas dit gagner de l'argent en recommandant des produits ou bien en vendant. Non. Pourquoi je n'ai pas dit ça de façon claire? Parce que même lorsque on veut vendre des produits, faut jamais se mettre dans la peau de vendeur. Faut pas faire montrer aux gens que ouais, voilà, je vous fais vendre un produit. Non. Il faut essayer de masquer ça un peu. Genre, je vais vous recommander un produit, le produit est bien, je vais le tester, ça marche bien, cliquez ici pour acheter. Et puis voilà comment en fait on vend sans forcément montrer à la personne qu'on veut lui faire sortir de l'argent de sa poche. Parce que sortir de l'argent en fait de la poche, c'est douloureux. C'est douloureux et puis personne n'aime ça. Et donc, si vous faites, si vous procédez par exemple, genre, ouais, je te fais vendre un produit et tout et tout et tout, ça c'est un gros flop. Donc, ces quatre points-là, vous devez être sûr que vous les maîtrisez. Et ils doivent être en fait parmi vos objectifs et adaptés en fait à tous les plans que vous voulez faire par rapport à un calendrier, à tout ce que vous voulez. Donc, ces quatre points, lorsque vous ne les respectez pas, je vous assure, vous ne serez jamais, jamais rentable en e-commerce. Jamais. Les gens se focalisent sur un seul point. Vendre. Alors que c'est le point, c'est le dernier point. Carrément, c'est le dernier point. Si vous mettez par exemple, je prends un exemple. Pour que vous compreniez ce que je dis. Vous êtes un homme, vous avez rencontré une femme. Vous êtes un homme, vous avez rencontré une femme. Je vais dire quoi par là. C'est vous avez créé le site. Donc le site est votre femme, vous êtes l'homme. Hmm? Et que, à peine 2-3 jours, 2-3 jours, hein, vous n'avez même. La fille, elle n'a même pas trop discuté avec vous. Bien, bon, disons, vous deux, vous n'avez pas eu beaucoup d'échanges et tout. C'est juste 2-3 jours, c'est rapide. Il n'y a pas eu encore. Il n'y a pas encore de longs échanges. Vous ne vous connaissez pas encore bien. Et puis, elle commence à se demander 200 000, 300 000. Elle commence à se demander genre, l'argent pour acheter des perruques. Elle commence à se demander l'argent pour changer son téléphone. En tant qu'homme, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ah oui, celle-là, elle est là, genre pour me bouffer. Elle est là pourquoi? Et puis, naturellement, qu'est-ce qui se passe? On fuit cette fille. Toutes les intentions en fait qu'on avait par rapport à elle se dissipent. C'est naturel en fait. Et puis, vous-même, je pense que être homme ou femme, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est, genre, vous identifiez clairement que la personne, il est là, c'est juste, en fait, pour ce que vous avez, vous prenez, en fait, du recul. Ça sera la même chose. Vous n'allez pas demander aux gens que vous ne connaissez pas de, genre, vous devez mettre de l'argent directement pour pouvoir acheter des produits, en fait, chez vous. Faudra les mettre, en fait, dans certaines conditions d'abord avant de commencer, en fait, à leur recommander des produits. Sinon, vous allez faire fuir les gens. Ce que je dis, c'est tout naturel. Voilà l'exemple pour vous faire voir de façon naturel de façon plus simple en fait ce que je suis en train de dire. Donc en fait le meilleur moyen en fait de parvenir en fait à ce résultat est de créer en fait un site de référence d'abord dans votre niche et en fait genre vous devez être pouvoir quand même être fier de ce que vous avez comme site et maintenant vous assurez en fait que les internautes ne trouveront pas mieux ailleurs. Quand je dis ça c'est pas que genre vous allez consulter le meilleur, non, je suis tout simplement en train de dire que vous devez quand même faire quand même un truc d'assez pro, bien vous devez avoir un truc d'assez pro, un site bien designé, etc. Parce que tout ça là va quand même faire convertir en fait les gens. Donc concrètement, cela en fait pourrait se traduire en fait par plus de concurrents, plus de contenu par les concurrents. Donc quand on dit plus de contenu que les concurrents, vous devez être tout le temps au four et au moulin, vous devez être tout le temps en train de faire des publications ou bien de mener des actions qui vont dans le sens des quatre objectifs que j'ai cités en haut. Et donc, vous avez quatre objectifs. En un mois, quatre objectifs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, si on pourrait dire, et en fait, par semaine, ces quatre objectifs-là doivent se retrouver, genre, vous devez mener en fait des actions ou bien des activités pour atteindre ces quatre objectifs-là. Au moins dans une semaine, on doit avoir toutes les activités qui vont vous aider en fait à atteindre ces quatre objectifs-là. Par semaine. Des activités qui vont vous aider en fait à atteindre ces quatre objectifs. Et puis, quand nous allons faire le déballage, quand nous allons rentrer en fait dans l'activité, on va se rendre compte qu'il y a encore de petites tâches. Et donc, le travail en fait à faire est assez important. C'est pour ça tout en gros, je vous parlais de disponibilité tout au moins une heure par jour. Minimum. Donc, vous devez maintenir en fait une certaine qualité quand même au niveau de la rédaction. C'est pas parce qu'on a dit que voilà, il faut être assez productif qu'il faut bâcler en fait ce que vous rédigez. Non. Vous êtes un site web, vous êtes une entreprise. Il va falloir vous montrer en fait assez professionnel. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas trop bon en test, en rédaction, vous pouvez quand même engager. Il y en a qui sont faits pour ça. Ceux qui font par exemple de la rédaction web, il y en a qui le font. Donc, vous pouvez les engager. C'est vrai qu'au début, ça va être compliqué s'il n'y a pas encore de rémunération. Mais bon, vous pouvez quand même vous aussi vous essayer à la tâche et tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, voilà. Donc, voilà. Il ne sera pas bien, en fait, de... Il ne sera pas, bien sûr, pas nécessaire d'utiliser des termes pointus ou bien des langages sous-tenus, non. Parce que lorsque vous utilisez des langages soutenus, par exemple, genre vous, vous vous heurtez en fait à tout type de personnes. Vous savez pas en fait si c'est des gens qui sont trop allés à l'école ou pas. Les gens sont juste venus acheter. Donc si vous utilisez genre des langages trop professionnels, ils vont pas comprendre. Et puis, lorsque on va vous montrer que vous êtes trop pro, vous aussi connaissez trop, ça fait fuir les gens. Vous devez parler en thème clair. Vous devez être précis, concis. Thème clair, terre à terre. Donc, pas besoin du français. Soutenu, non. Pas thème pointu, non, pas besoin. Laissez tout ça là en communication écrite. Et donc, au contraire, moi, je vous recommande même, en fait, de mettre en avant le côté humain, en fait. Vous devez, en fait, vous mettre dans la peau du client pour vous dire, ah, c'était moi, qu'est-ce que j'ai besoin de lire? Quels sont les thèmes simples que j'ai besoin de lire, de voir pour me faire convertir en client? Et donc, vous mettez en avant, en fait, votre côté humain, ça va favoriser la proximité, en fait, avec votre audience, avec les prospects, avec les gens que vous allez toucher. Et en ce moment, vous devez employer un langage courant, simple, où tout le monde s'y retrouve. Donc, tout ça la passe quand même par offrir quand même une meilleure expérience possible. Hein. Donc, je vais dire quoi par là. Si votre site, il est moche, ou bien votre page que vous avez créée, elle est moche, c'est pas crédible directement. Et puis, si ce n'est pas crédible, il n'y aura pas de conversion. J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'on n'entend pas conversion. C'est tout simplement, les gens ne vont pas passer du statut de prospect à client. Ils ne vont pas commander chez vous. Donc, un site poche, c'est que ce n'est pas crédible. Si ce n'est pas crédible, pas de conversion. Donc, voilà un peu déjà le premier point que moi je trouve pertinent par rapport en fait à l'expérience en fait à offrir aux gens, vous voyez. Ensuite, le deuxième point, c'est que le temps de chargement ne doit pas être long. Lorsque vous utilisez par exemple une page Facebook ou bien un compte, vous ne serez pas confronté à ça, parce que je pense que les réseaux sociaux ont quand même déjà optimisé tout ça là. C'est le chargement de tout ça là est assez rapide. C'est pour quand même ceux qui travaillent avec des sites web ou bien des blogs. Lorsque en fait votre site ou bien votre blog, ça met énormément de temps en fait à se charger. Genre, les gens n'ont plus la patience en fait au jeu d'attendre. Ouais, et donc si les gens n'ont plus la patience, c'est que il y aura pas de visiteurs. Ah, je suis parti sur le site là, ça prend énormément de temps avant de charger. Non, prochainement j'évite. Vous voyez, donc déjà, on a déjà rencontré deux problèmes. Pas de conversion et pas de visiteurs. Et puis je viens de vous expliquer quels sont les phénomènes qui nous amènent à ces situations, je vais dire négatives. Troisième point, c'est que lorsque votre contenu est illisible, j'en suis le site, c'est illisible, on n'arrive pas à lire. Soit c'est trop petit, ou soit la couleur de fond que vous avez choisi, elle est trop frappante à l'œil, et que le texte qui est posé là-dessus, on a du mal à lire et tout. J'ai vraiment flemme de lire quoi. Ça fait pas de conversion. Ça rejoint en fait le haut. C'est le premier point. Le site est moche, pas de conversion. C'est que c'est pas crédible à ce niveau. Mais si c'est contenu du site illisible, flemme de lire, tout ce que vous voulez, pas de conversion. Ensuite, lorsque le visiteur ne trouve pas rapidement ce dont il a besoin, rapidement il quitte. Les gens n'ont plus la patience au d'attendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, genre, c'est toc-toc quoi. Genre, il faut que, genre, ce que je veux, c'est en un claquement de doigts en fait. Vous voyez? Et donc, lorsqu'il ne trouve pas rapidement ce dont il a besoin, donc c'est à vous de savoir comment vous allez organiser en fait les produits que vous recommandez aux gens sur votre site. C'est à vous de trouver en fait la bonne formule. C'est en ça en fait que l'e-commerce est passionnant. Parce que, vous voyez tout ça maintenant, moi je vous dis, c'est à vous de savoir comment vous allez organiser. Vous voyez, personne ne vous dira, oui viens, voici comment on fait. Voici, genre tu dois mettre les produits disons en case pour montrer genre tout ce que tu as. Non. Un minimum de réflexion. Un minimum d'expérience, il faut tester, il faut voir en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et il faut optimiser en fait avec le temps. Ce n'est que comme ça, même si vous essayez genre de brûler les étapes, vous allez tout simplement stagner tout simplement ou bien ne pas avoir de résultats. Donc si les gens ne retrouvent pas ce dont ils ont besoin, ils vont retenir sur Google tout simplement et ainsi de suite. Donc vous voyez, il faut quand même tout faire pour offrir la meilleure expérience possible aux gens. Et donc, ce que je vais dire partout, c'est que vous aurez beau disposer genre du meilleur contenu genre dans votre niche en cochant disons un des points ci-dessus, il vous sera en fait très difficile de vendre. Donc l'importance quand même de soigner votre site ou bien votre page et d'offrir la meilleure expérience possible en fait à vos prospects, aux prospects que vous allez toucher, pour qu'ils trouvent le bonheur dans l'instant est essentiel. Donc, l'expérience doit être similaire en fait à celle d'une boutique ou d'un restaurant où les clients vont et reviennent. Ils vont y revenir, ils vont y revenir parce qu'ils savent que ah, si je vais dans cette boutique là, je sais ce que je cherche, je vais là-bas, le produit est là, j'achète vite fait, je pars, puis après je reviens tranquille. Donc, pour créer en fait cette expérience optimale là, c'est pas si compliqué. Honnêtement, c'est pas si compliqué, c'est de l'expérience, vous allez comme apprendre avec le temps. Et donc, ce n'est pas si compliqué dans le sens où, même de façon technique, ce n'est pas compliqué aussi. Donc, qui n'y paraît, ce n'est pas aussi compliqué, genre, comme peut-être, je le dis comme ça, mais ce n'est pas vraiment si compliqué. Et donc, il s'agit tout simplement de choisir le bon thème de votre niche, en fait, et utiliser, en fait, les bons plugins, par exemple, à utiliser. Et donc, voilà, ça dépend du site avec lequel vous voulez travailler, donc, voilà. Par exemple, ici, nous sommes dans un concept d'e-commerce, donc, voilà, il faut vraiment que le site en fait que vous créez renvoie une image quand même d'e-commerce. Donc voilà. Par rapport à la généralité, nous sommes quand même en train de tendre vers la fin de la généralité où d'ici là nous allons en fait commencer à aborder les différentes parties. Parce que en fait, l'e-commerce en fait, ça se résume à quoi? Ça quitte le choix du produit jusqu'aux statistiques. Bon, pour vous faire voir ça de plus clair, depuis le choix de la niche jusqu'à la vente du produit, c'est tout. Mais en fait, j'ajoute statistique parce que moi, je juge que lorsque en fait vous faites des activités, il faut quand même miser, il faut quand même voir les chiffres et pour pouvoir en fait optimiser tout ce que vous avez fait. Donc il y aura avant que nous abordons les différentes parties, parce que ici c'est la généralité, là maintenant nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et puis voilà, dans le vif du sujet il y a quand même pas mal de points à aborder, donc un briefing rapidement, je reviens j'en suis les points essentiels. Il faut quand même que la vitesse de chargement en fait de votre site soit bien, donc la rapidité. Ensuite il y a le référencement. Il faut un bon référencement, un bon ranking. Nous allons parler du référencement aussi dans la suite. Donc, vous aurez besoin d'installer en fait et de configurer en fait des outils SEO. Donc, par rapport au référencement, je l'avais dit en haut, tout site de niche en fait qui ne respecte pas, genre qui se respecte quand même, se doit en fait d'être bien optimisé en SEO. Search Engine Optimization que j'appelle. Et il y a plusieurs moyens en fait de faire du référencement. Parce que comme je l'ai dit en haut, je le rappelle encore une fois, le SEO c'est des stratégies que vous mettez en place sans utiliser en fait un seul franc, un seul euro en publicité. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail qui va se faire sur le temps, dans la durée. Comme je l'ai dit en retour aussi, c'est un peu comme une graine que vous mettez en terre et en fait à force de faire des publications, à force de poser en fait des actes qui vont aller dans le sens du SEO, c'est un peu comme si vous fessiez en fait de l'eau sur cette graine là, et puis au fur et à mesure en fait que le temps passe, elle va devenir un grand arbre. Donc un jour, genre, vous pourrez en fait jouir de ces fruits-là. Donc en effet, la source de trafic numéro 1, c'est le référencement. Et donc on est censé parvenir en fait, j'en suis que dans le premier résultat, genre dans le premier, oui, résultat en fait, sur la base en fait des mots-clés en fait que les gens vont rechercher. Et donc la moindre des choses en fait est d'avoir un site pensé pour les moteurs de recherche. Non, l'ergonomie, ce n'est pas vraiment important. La conversion, je vous ai déjà dit, vraiment les éléments incontournables quand même pour améliorer votre taux de conversion. Il va s'agir en fait du top pour l'affiliation Amazon. Il y aura le bouton CTA, le bouton call to action. Il y aura genre les tableaux, table press. Nous aurons les avis laissés par les gens. On aura en fait la façon, le design en fait de vos liens, comment vos liens sont designés, est-ce qu'ils sont derrière en fait des boutons d'action, bien bon voilà, c'est juste des liens comme ça sur lesquels on peut cliquer. Nous aurons l'insertion des bannières AdSense ou autre. Nous aurons, bon, je pense que c'est déjà bon par rapport à ça. Et donc vous devez quand même devenir en fait le centre d'intérêt de tous. Donc avoir quand même le meilleur site, c'est bien, mais c'est encore mieux en fait s'il est visible. Donc, avec les sites de niche, le meilleur moyen en fait d'avoir du trafic rentable, en fait, est de se focaliser en fait sur le référencement naturel SEO. Donc, je le dis parce qu'en fait, vous n'aurez pas tout le temps de l'argent en publicité. Ouais, donc, il est quand même important que en fait, derrière toutes les actions que vous menez, en fait, il y a toujours du référencement pour vous pousser un peu plus haut, en fait, pour vous classer, genre, vraiment meilleur dans les... J'entends les résultats en fait de Google lorsque les gens vont rechercher en fait des trucs par rapport en fait à votre niche. Mais une fois en fait qu'on a bien optimisé en fait son site pour le référencement, que reste-t-il à faire? On rentre automatiquement genre dans le top Google tout simplement. Et bien autant de dire en fait qu'il ne reste que du boulot et que Google ne va pas en fait nous faire la faveur de nous classer facilement en fait en haut. Donc c'est vraiment du temps, il faut pas lâcher en fait, il faut continuer en fait à travailler. Il n'y a pas de voilà, j'ai déjà fait assez aujourd'hui, bon je lâche un peu, non, c'est tout le temps, vous devez vous donner en fait cette discipline là de toujours optimiser en fait tout ce que vous faites. Donc comment obtenir en fait cette popularité auprès de Google? Quels sont les signaux que vous devez lui envoyer? C'est très simple, des liens, même pas n'importe lesquels. Google en fait aime quel genre de liens? Google aime les liens qui ont du jus, qui sont pertinents. Donc il faut genre, cela ne vous parle pas forcément, genre quand on dit ça vous donne, genre Google aime les liens qui ont du jus, ça ne vous parle pas, genre c'est normal parce que le référencement naturel c'est tout un métier en fait, ça prend. Je n'ai pas, on te dit oui, on va vous dire pour faire du référencement naturel il faut mettre les hashtags, genre ça se limite à ça, mais c'est pas forcément ça, genre c'est tout un art, c'est tout un genre, c'est un métier. Il y en a qui en font un métier, le référencement naturel, genre. Aujourd'hui, il y a carrément toute une formation, genre juste pour ça, juste pour le référencement naturel. Et puis, en tant que, par exemple, rédacteur web, vous êtes obligé, par exemple, genre, de faire cette formation. C'est une formation, genre, que vous n'aurez pas peut-être ici, mais qui vous sera vraiment utile, vous voyez. Et donc, lorsque, en fait, vous limitez, en fait, au basique qu'on donne, en fait, un e-commerce, ça, genre, forcément, vous aurez des difficultés, vous serez, en fait, confronté, en fait, au fait de ne pas faire des ventes, et puis après... Vous allez dire, ouais, voilà, genre, j'ai essayé, ce qu'il a dit, ça a marché. Alors qu'en fait, il fallait, en fait, il faut se donner, en fait, un peu plus la tâche. Il faut en savoir, en fait, un peu plus sur le référencement naturel. Mais généralement, on n'a pas vraiment le temps. Et donc, vous êtes encore obligé de travailler, en fait, avec quelqu'un qui est un expert dans le SEO, tout simplement. Donc, grâce, par exemple, au netlinking, soit à la création de liens vers votre site, vous allez pouvoir quand même lui donner genre de la popularité et ça va plaire en fait à Google. Et donc progressivement, genre, vous allez gagner des positions en fait dans votre classement. Et donc maintenant, on peut distinguer les liens de bonne qualité et les liens de mauvaise qualité. Donc vous savez vraiment vers quel type de lien en fait vous orienter. Et en fait, voilà quoi. Autrement, si vous prenez quand même le risque de recevoir une pénalité de genre de notre Seigneur, celui qui a fait la pluie le beau temps, je vais dire ici Google. Parce que vous prenez une pénalité, c'est assez grave, parce que des mauvais liens, ah oui, vous pouvez être, disons, blacklisté à tout jamais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un lien de bonne qualité? Pour faire plus simple, un lien de bonne qualité, en fait, va réunir plusieurs ingrédients que moi j'appelle la pertinence, plus les métriques SEO, plus le trafic Google, tout simplement. Pertinence, métrique SEO, plus SEO, trafic Google. Si votre lien, en fait, il est déposé sur un site légitime, c'est-à-dire portant de près ou de loin à votre thématique, c'est bon. Les métriques, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, des indicateurs créés, en fait, par des outils SEO tels que Majestic, tels que AREF. AREF, pour vous épeler ça, c'est AHREF. C'est un outil quand même de du référencement naturel, du référencement SEO, bien du MOZ. Et donc, en fait, plus vos métriques sont élevées, mieux c'est. Et donc, un site qui a des métriques fiables ou bien des métriques, pardon, et qui a des métriques faibles, elle peut soit disposer genre, de liens de mauvaise qualité ou de pas du tout avoir de liens, tout simplement. Et en fait, le troisième critère, le trafic Google, moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Et donc, si votre site, il dispose déjà, en fait, d'un trafic important qui provient de Google, ça veut dire que, en fait, le moteur de recherche l'apprécie énormément. Et donc, vous pouvez déposer votre lien sur ce site en toute sérénité pour mesurer, en fait, le trafic naturel d'un site. Vous avez la possibilité d'utiliser, par exemple, Ransplorer. Vous avez la possibilité d'utiliser SEMrush aussi. Ou bien Yoda Insight. Maintenant, qu'est-ce qu'un lien de mauvaise qualité? Un lien de mauvaise qualité, c'est un lien qui provient genre d'un annuaire peu exigeant. Peu exigeant. Genre d'un site de communiqué de presse qui n'est pas modéré, d'un dig-like, pour ceux qui connaissent, ou bien d'un blog, d'offollow, ou bien genre des IP spam, des trucs bizarres comme des sites qui ne sont pas vraiment référencés et tout. Et donc, sans oublier en fait les profils et les forums du fameux web 2.0, pour ceux qui voient en fait la dimension dans laquelle je suis en train de parler, ce sont des liens qui sont automatiques, genre qu'on achète par genre quelques euros et tout. C'est pas vraiment genre de bons liens. Ouais. Donc, si vous souhaitez apprendre plus sur les liens potentiellement toxiques, je vous quand même invite à me contacter DM parce que c'est pas vraiment le but quand même de la formation. Mais bon, vous avez la possibilité genre d'avoir un peu plus sur ces informations là, sur les bons et les mauvais liens. Naturellement, comme je vous l'ai dit, on pourra pas tout dire ici, donc vous devez quand même au dépend de tout ce que nous avons dit, quand même offrir des meilleures solutions quand même aux besoins de vos prospects. Donc si vous parvenez en fait à offrir toutes ces informations nécessaires en fait à vos prospects pour les guider au mieux dans leur prospection d'achat, vous en serez récompensé tout simplement par des achats en fait sur votre site. Si vous utilisez des techniques ou des stratégies de conversion abouties comme AAWP, c'est très bien, mais c'est encore mieux en fait si vous sélectionnez en fait avec attention les produits que vous mettez en avant. Genre vous donnez en fait une certaine discipline dans les produits que vous allez recommander aux gens. Par exemple, vous dites non, je ne recommande pas aux gens des produits aux gens si Amazon n'a pas minimum 50 en stock. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des exigences en fait que chacun peut se donner pour quand même optimiser quand même tout ce qui est chance de conversion. Donc en fait, en choisissant les meilleurs produits bien pour les visiteurs, vous augmentez quand même vos chances d'aboutir à une vente. Mais comment sélectionner ces meilleurs produits? C'est très simple. Il suffit tout simplement de proposer des solutions pertinentes à votre contenu. Parce que moi je dis, les gens disent que moi je ne vends pas et tout. Vous savez, vous avez la possibilité de faire acheter un produit à quelqu'un, même s'il n'a pas prévu d'acheter le produit. Il faut tout simplement lui montrer en fait que le produit va lui faciliter la vie, que le produit va lui faire ci et ça. Et donc si vous avez les bons arguments, je vous assure que vous n'aurez même pas besoin de chercher en fait des produits tendance, des produits qui marchent. Vous allez tout simplement fondre. Et c'est ce qui fait en fait la différence entre les e-commerçants rentables et les moins rentables. Les plus rentables, c'est les gens qui ne se focalisent pas forcément sur les produits qui sont en tendance. Ou bien vous allez attendre lorsqu'un produit sera en expansion, sera vraiment en hausse, que vous allez vouloir vendre. Non, il faut quand même être tout le temps en train de vendre. Donc quand vous prenez un produit, vous devez quand même le vendre. Donc voilà quoi, c'est très simple, c'est aussi simple que ça. Si vous proposez en fait des solutions pertinentes quand même à votre contenu, des solutions populaires, par exemple genre si vous faites voir aux gens le nombre d'avis déposés ou bien le nombre d'avis par rapport en fait à ce produit, ou bien les solutions sont appréciées ou sont très bien notées, les gens vont acheter. Donc voilà, en réunissant en fait ces trois composantes là, je vous assure quand même que c'est des solutions en fait idéales. Et vraiment, ça répond aux besoins en fait, aux attentes en fait des prospects. Donc voilà, faut quand même éviter en fait ces erreurs courantes là pour pouvoir se donner en fait le maximum de chances de vendre. Et donc pour éviter en fait ces erreurs courantes dont je parle, ça, en tant que webmaster affilié à Amazon, je pense que on dispose de très nombreux avantages, hein, et on a vraiment intérêt en fait à les exploiter. Par exemple, si vous lancez votre site de niche, genre dans une thématique, par exemple maison, jardin, high-tech, sport, loisirs, mode, jouets, bébé et tout, etc., tout ce que vous voulez, il y a genre de fortes chances qu'Amazon genre vous propose le programme le plus avantageux et le plus rentable, et c'est celui dans lequel vous êtes. Donc vous avez quand même tout autant intérêt à profiter vraiment de ça. Mais comme il est difficile vraiment de s'en passer, il conviendra vraiment de respecter le règlement d'Amazon et d'éviter la moindre erreur pour se protéger de tout ce qui est bannissement et tout. Donc il y a quand même 6 règles à respecter quand même lorsque vous êtes dans ce genre de programme là. Vous devez tout simplement renseigner genre les sites Amazon, parce que à la création genre, du compte, vous êtes obligé genre de renseigner en fait votre premier site de niche. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas forcément ouvrir les interfaces maintenant. Parce que dans le processus que moi je vous propose, nous allons d'abord ouvrir d'abord le site ou bien les pages et tout, avant de venir ouvrir en fait l'interface. Et là, on aura déjà le lien de notre site, notre blog ou de notre page. Là, on ne sera plus obligé, lorsqu'on viendra en fait à ce niveau où il faudra renseigner en fait le lien de notre site, le lien voilà, de notre site, on ne sera plus obligé d'aller faire un truc à la va-vite et de le négliger, si vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. Et donc à la création genre, du compte affilié, on sera confronté en fait à l'idée de renseigner dans le site de niche en fait le lien de notre site ou bien de notre page, de notre blog, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça sera vérifié par l'équipe Amazon. Ça sera vérifié. Et donc, vous pourrez tout simplement renseigner genre, sur tous les sites niche une fois en fait que vous êtes connecté. Le deuxième point, c'est vraiment de mentionner en fait sa participation au programme Amazon Partner. Parce que vous savez, lorsque vous êtes débutant et puis genre, vous créez un site, les gens ils n'ont pas forcément confiance en votre site, ils ne connaissent pas votre site, donc ils se disent que genre, c'est forcément de l'arnaque et tout. Donc vous devez mettre en fait en avant le fait que vous êtes partenaire en fait au programme Amazon. Et vous devez quand même le mentionner de façon express que s'ils cliquent sur votre lien, ils vont se retrouver sur Amazon. Donc pas de raison de genre, de fuir et tout. Mais vous ne précisez pas que lorsque ils vont cliquer en fait sur votre lien, ils vont acheter, ils vont, genre, vous allez gagner des commissions. Non. Vous mentionnez tout simplement que vous êtes un affilié d'Amazon. Et puis vous allez voir, ça va passer tout simplement. Parce qu'il faut être aussi vrai, il faut être un peu vrai avec les gens. Donc voilà. Donc dès lors, en fait, que vous allez créer en fait un lien affilié vers Amazon, faire un produit, vous devez préciser en fait à vos visiteurs que vraiment vous participez au programme Amazon. Et heureusement, vous n'avez même pas besoin genre, de le mentionner, en gros. Parce qu'une simple mention, genre de pied de page, ou bien sûr sur votre feed, genre, ou bien sur votre site fera l'affaire. Genre. Donc quelque part, vous devez mentionner, genre vous devez mettre en fait Amazon pour que les gens se disent, ah oui, genre c'est Amazon, vraiment c'est Amazon. Oui, genre, je ne sais pas si c'est une template un peu adaptée à Amazon, ou bien c'est peut-être un graphisme, un truc comme genre du genre, un élément assez distinctif qui vont vraiment permettre aux gens de savoir que voilà, genre, c'est un affilié Amazon et tout. Donc voilà. Par exemple, la formule exacte en fait, employée par les gens de Amazon, partenaires par exemple, la formule qu'on emploie tous à nos débuts, si vous n'employez pas cette formule, c'est une formule consacrée, si vous utilisez autre chose, ça ne marchera pas. Ouais, ça ne marchera pas. Donc, la formule, c'est tout simplement, ce site participe au programme partenaire d'Amazon, un programme d'affiliation conçu pour permettre à des sites de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon, tout simplement. Voilà la formule tout simplement consacrée et utilisée que Amazon recommande en fait aux gens d'utiliser. Parce que c'est un truc que les gens ne retrouvent pas tout. Et donc, quand ils vont retrouver ça ici, ça va forcément renforcer la confiance en votre site et puis vous aurez en fait plus de chances en fait de faire des ventes. Mais vous pouvez la modifier. Faut pas rester dans les standards. Non. Vous pouvez la modifier tout en gardant le sens. Donc, d'autre part, en fait, à chaque fois en fait que genre, vous avez fait un lien affilié, il vous faudra forcément préciser en fait à votre visiteur que il sera en fait redirigé vers Amazon et ainsi il ne sera pas surpris de genre, de quitter votre site. Parce que lorsque vous avez rédigé en fait le truc sur votre site, le concept est que quand il va cliquer sur votre lien, genre sur le lien du produit, il sera redirigé vers Amazon. Ça va l'étonner. Mais si au préalable, vous lui avez mentionné qu'il sera redirigé vers Amazon, toc, vous avez gagné. C'est le jackpot. C'est tout. Il sera redirigé vers Amazon et puis il va acheter tout simplement et puis vous allez encaisser votre commission. Tout simplement. Et donc, il va... Genre, il va s'attendre en fait à vraiment arriver sur Amazon dans une optique d'achat parce que vous lui avez précisé ça, que vous êtes un partenaire et tout. Donc voilà, ça renforce la confiance. Et puis même si c'est pour la première fois un utilisateur, quelqu'un, il vient chez vous, quand il lit ça, il est redirigé. Honnêtement, vous avez 100% de chance de faire des ventes. Honnêtement. Donc vous voyez, c'est un peu la différence entre Amazon Partner et par exemple le dropshipping. Dans le dropshipping, les gens ils vont juste mettre l'argent sans garantie, sans vraiment savoir d'où on va acheter le produit et puis le livrer. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué là-bas. Mais ici, vraiment, le programme, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment avantageux. Donc, il faut vraiment profiter de cet avantage-là. 3, il faut créer en fait une page de mention légale. Comme j'en parlais un peu plus haut, en fait, la loi requiert en fait la présence de mention légale en fait sur votre site. Donc, peu importe la finalité de votre site, en fait, il faut qu'il y ait les mentions légales telles que les coordonnées du propriétaire. C'est-à-dire, vos coordonnées, l'hébergeur, le respect quand même de la propriété intellectuelle, ce qui est très important. Il faut respecter en fait les règles de confidentialité de vie privée, la responsabilité quand même du site est engagée. Et donc, l'exploitation en fait des cookies aussi, le respect de la loi RGPD pour ceux qui connaissent, pour ceux qui seront, bon, qui sont dans des pays développés en Afrique ici, bon, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce genre de mention légale là, pas besoin. Et donc, voilà. Dans le quatrième point, je pense que vous devez disposer d'un formulaire de contact pour que les gens, s'ils ont envie de prendre contact avec vous, ils puissent le faire tout simplement. Donc, la présence d'un formulaire de contact, elle est tout aussi primordiale pour tous les sites web. Parce que cela vous permettra d'échanger tout simplement en fait avec vos prospects, vos lecteurs, tout ce que vous voulez. Et de créer en fait des partenariats pour corriger en fait certaines choses. Vous voyez, donc pour faire plus simple, il faut quand même créer un formulaire et tout qui va quand même répondre où les gens peuvent peut-être vous contacter et tout. Bon, bref, tout ça. Ce que vous voulez, comme c'est vous qui voyez la façon dont vous allez l'organiser. Et en cinquième point, vous devez. Bon, ça c'est pas vraiment important. C'est déclarer en fait ses revenus au service des douanes. C'est pas vraiment important. C'est pas du tout important. C'est lorsqu'on est en dropshipping que nous allons parler de ça. Sixième point, le placement en fait des liens affiliés. En fait, on pourrait tenter de promotionner en fait les liens Amazon le plus possible. Par exemple, au travers d'une jolie pop-up, genre les pop-up, les notifications pop-up, ou encore genre une barre de notifications. Pourtant, Amazon stipule clairement dans son règlement que les liens affiliés ne peuvent pas être présents dans une fenêtre modale, peu importe sa forme. Donc, c'est pas parce que vous maîtrisez le web correctement que vous allez faire du genre des bêtises avec les liens. Faut jamais mettre par exemple genre des liens affiliés n'importe où. On va tout simplement vous blacklister ou bien fermer en fait votre boutique et puis donc, voilà, vous allez vous dire ah ouais genre qu'est-ce que j'ai fait et tout et tout. Donc je vous invite par ce fait à aller lire le règlement d'Amazon et tout. Donc voilà. Question courante après une généralité. Bon, quelles sont les questions courantes? Les gens demandent souvent est-ce qu'il faut disposer forcément d'un site pour s'inscrire chez Amazon Partner? Moi, je dis oui et non. Oui, parce que lorsqu'on s'inscrit en fait à ce programme-là, Amazon vous demande de renseigner votre site. Et donc, ça doit être terminé. Autrement dit, si cette partie n'est pas mentionnée, votre inscription elle est tout simplement rejetée. Ouais, donc il faut d'abord créer le site avant de penser en fait à ouvrir l'interface Amazon. Non, parce que même si vous utilisez par exemple une page Facebook et que après vous venez mettre le lien de votre page au niveau de la partie du site, ça marche bien, ça marche aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut faire genre, est-ce qu'on peut travailler en fait sans site internet? Même si ce n'est pas spécialement recommandé, il est possible quand même genre de faire de l'affiliation ou bien genre de faire du e-commerce sans avoir créé en fait un site internet genre de A à Z. Parce que premièrement, genre en étant un influenceur par exemple sur les réseaux, genre vous avez la possibilité genre d'utiliser genre cette influence là comme genre pour travailler tout simplement. L'autre option c'est que vous avez la possibilité d'exploiter genre votre site. Ouais, donc oui et non. Ouais, donc il est quand même essentiel d'avoir la main sur les médias genre, sur lesquels vous vous allez déposer en fait les liens affiliés. Par exemple, si vous créez un blog et que vous souhaitez par exemple déposer en fait les liens Amazon, faudra préciser en fait les plateformes que vous exploitez en fait dans votre espace partenaire. Parce que si vous ne précisez pas ça, un jour ou l'autre Amazon va venir genre quand ils vont en fait se rendre compte de ça, ils vont fermer parce que ça n'a pas été mentionné. Ensuite, vous devez mentionner en fait la participation au programme Amazon Partner dès qu'un contenu présente un lien. Obligatoirement. Vous devez créer une page de mention légale pour ceux qui sont dans les pays occidentaux. vous devez créer un espace contact pour que les gens quand même vous contactent et tout, comme je l'ai dit un peu plus haut. Donc vraiment, c'est le moyen le plus facile et le moins coûteux quand même, genre, de faire du e-commerce. Mais c'est loin d'être le plus efficace et le plus fiable, hein, parce que au vu du manque de contrôle et de restrictions, vraiment, c'est difficile. Et donc, légalement, vraiment, vous n'êtes pas vraiment responsable, genre, de cet espace-là, hein, parce que celui-ci peut être fermé, genre, sans préavis. Amazon peut vous fermer, genre, sans préavis. Et si la plateforme, elle le souhaite, elle vous ferme, parce que elle a des règles qui sont vraiment strictes, il faut les respecter. Donc voilà, et on est très limité en termes de fonctionnalité, de personnalisation. Vous voyez, vous n'êtes pas libre, par exemple, de mettre un lien en pop-pop, dans une notification pop-pop et tout. Donc voilà. Est-ce qu'on peut placer genre des liens affiliés Amazon, l'un des produits, dans des newsletters? C'est possible. Mais il convient quand même genre d'éviter absolument d'envoyer genre des spams, genre des mails spammés, incluant genre des liens Amazon. Parce que ça peut être un motif de bannissement, hein. De manière générale, les outils d'emailing, ils recommandent, genre, ne recommandent pas de placer genre des liens d'affiliation dans ces mails. Parce que ça peut plomber en fait le taux de délivrabilité. Et donc, il vaut mieux tout simplement renvoyer ces abonnés-là sur son site dans un premier temps. Donc, vraiment, c'est pas vraiment une méthode qui est adaptée. Même si vous voulez le faire, il faut vraiment que l'outil en fait que vous utilisez soit vraiment soit bien. Genre derrière, en fait, il faut que l'outil soit vraiment bien travaillé et que lorsque vous, en fait, vous allez envoyer les emails, que vraiment ça parte et que ça n'aille pas se loger en fait dans les spams. Vous voyez, donc voilà. Est-ce qu'on peut faire de l'affiliation Amazon sur des sites? Oui, c'est des questions. Bon. Genre, c'est des questions courantes qui reviennent que je suis en train de le dire de façon automatique pour que peut-être si vous avez ces questions-là, genre, je puisse y répondre en attendant qu'on programme une séance Zoom. Donc, voilà un peu. Quand, avec le nouveau programme Amazon, vous avez quand même la possibilité, genre, de travailler sur les réseaux sociaux. Ouais, donc c'est bien possible sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Pinterest, sur Twitter et tout. Donc, voilà. Donc, nous sommes quand même à la fin de notre généralité. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous prenez un peu plus conscience du travail qu'il y a à faire et tout. Et donc, nous allons rentrer d'ici là-dedans le vif du sujet. Merci et puis à très bientôt.